Lettre 8e, Evelina à Monsieur Villard. Cette maison est le séjour de la joie. Chaque physionomie annonce la gaieté. Tout le monde vous aborde avec un sourire sur les lèvres. Je ne fais que rôder pour m'amuser de la confusion qui règne. On prépare une chambre sur le jardin pour servir de cabinet d'études au capitaine. Lady Howard n'est pas un instant à la même place. Miss Mirvan fait des bonnets. On s'occupe de tous côtés. On court de chambre en chambre. On donne des ordres. On les révoque. On en donne de nouveaux. Tout est en désordre et en agitation. J'ai une prière à vous faire, mon cher monsieur, et j'espère que vous ne m'accuserez point d'abuser de vos bontés. Lady Howard veut absolument que je vous écrive. Comment m'y prendre? Une prière suppose des besoins. Et m'en avez-vous jamais laissé? Je suis confuse d'avoir commencé cette lettre, mais ces chères dames sont si pressantes. Je ne puis m'empêcher de l'avouer. Les plaisirs auxquels elles m'invitent de prendre part me tentent beaucoup, pourvu seulement que vous ne les désapprouviez pas. Elles vont faire un court séjour à Londres. Le capitaine les y joindra dans peu de jours. Madame Mirvan sera accompagnée de sa fille. Quelle délicieuse partie! Et cependant, je ne me sens pas une envie excessive de les suivre. Du moins, je crois que je demeurerai avec plaisir si vous le désirez. Assuré, mon très cher monsieur, de votre bonté, de votre amitié, de votre indulgence, me sera-t-il permis de souhaiter quelque chose sans votre agrément? Décidez, je vous prie, sans craindre de me gêner ou de m'affliger. Tant que je serai dans l'incertitude, j'espérerai peut-être, mais dès que vous aurez prononcé, je n'aurai rien à répliquer. Elles me disent que Londres est actuellement dans tout son brillant. De spectacle, l'opéra, le Ranelagh, le Panthéon. Vous voyez que je sais déjà tous ces noms par cœur. Néanmoins, je n'ai encore rien disposé pour mon départ. Et s'il faut que je reste, je les verrai monter en chaise sans qu'il m'en coûte un soupir, quoique je sois sûr de ne plus retrouver une occasion comme celle-là. Leur joie sera si complète qu'il est naturel de désirer de la partager. Suis-je donc ensorcelé? Je me proposais en commençant de ne pas insister, mais ma plume, ou plutôt mes idées, l'emporte. Je l'avoue malgré moi, votre consentement me tient à cœur. Je me repens déjà d'avoir laissé échapper cet aveu. Oubliez, je vous supplie, ce que je viens d'écrire. Si ce voyage vous déplaît, je finis, car plus je pense à cette affaire, moins elle me devient différente. Adieu, mon très honoré, mon très respecté, mon très aimé père. Car comment puis-je vous appeler autrement? Je ne connais de bonheur ou de chagrin, d'espérance ou de crainte, que ceux que votre satisfaction ou votre déplaisir peuvent me donner. Si vous me refusez, je suis sûr que ce ne sera pas sans de fortes raisons, et je ne doute pas que je n'y souscrive volontiers. J'espère encore, cependant. Peut-être pourrez-vous me laisser aller. Je suis avec une entière affection, Evelina. Je n'ose pas signer en ville une lettre adressée à vous. Et quel autre nom m'est-il permis de prendre ?